Chapitre 6e. Aussitôt que le jour parut, et que la raison eut repris son empire, Jacqueline eut horreur de sa faute. Elle se jeta sur le carreau à deux genoux, et élevant les bras vers le ciel, elle s'écria : Mon Dieu, voyez le repentir amer d'une faible créature. Pardonnez-lui, et daignez encore vous servir d'elle, toute indigne et toute coupable qu'elle est, pour l'accomplissement de vos desseins. Brisez ensuite ce vil instrument une fois que vous l'aurez employé, mais faites qu'avant de mourir j'ai exécuté mon projet d'éteindre la guerre civile. » Monsieur de La Roche-Vernay avait été touché de la douleur sincère de Jacqueline. Il promit d'agir désormais comme s'il ne fût rien arrivé des événements de la veille. On apprêta les chevaux, et on partit à 6 heures du matin pour la ville de Bourdeille, où on présumait que Monsieur de La Guette se trouverait avec le régiment de Marsin. Il en était décampé depuis 2 heures, lorsque Jacqueline y arriva. Mais comme le gouverneur de Bourdeille assura qu'on le rencontrerait infailliblement dans la ville de Serlac, notre Amazone dit adieu à M. de La Roche-Vernay et continua son voyage. À Serlac, on ne trouva personne encore. Il y avait eu dans la nuit un coup de main. Des traîtres avaient livré une porte aux troupes royales. Beaucoup de frondeurs étaient massacrés. Jacqueline entra dans la ville au moment où le tumulte s'apaisait. À peine se fut-elle installée dans une hôtellerie qu'un officier du roi, suivi de 4 hommes armés, vint l'interroger par l'ordre du nouveau commandant. On dressa procès-verbal de ses réponses, et il fut décidé que notre héroïne n'était autre que le comte de Marsin lui-même, sous un déguisement de femme. Il fallut perdre encore un jour avant qu'une assemblée composée de 6 dames de la ville eût vérifié le sexe de Madame de La Guette. On lui demanda ensuite pardon de la méprise, on lui donna un guide pour Bordeaux, et elle partit enfin plus confiante que jamais dans le succès de son ambassade. Jacqueline n'avait fait qu'une lieue au sortir de cette ville. Lorsqu'elle vit au coin d'un bois 8 cavaliers démontés qui lui présentèrent à bout portant les canons de leurs mousquets. Le guide et les valets tournèrent bride et s'enfuirent au galop. Madame de La Guette, abandonnée au milieu de ses brigands, fut obligée de se rendre pour éviter une mort certaine. On lui prit son cheval, sa valise et son argent. On lui laissa seulement ses armes pour qu'elle eût l'honneur sauf. Une autre femme, moins vaillante qu'elle, eut perdu le courage au milieu de tant de traverses. Madame de La Guette montra toute la constance et l'énergie de son caractère en résistant au coup d'un destin acharné. Rien ne put ébranler son âme. Elle continua son chemin à pied comme une simple pèlerine et marchait avec autant d'ardeur que ses croisés des temps anciens qui sentaient en eux l'esprit divin les guidant à la délivrance de la Terre Sainte. Elle se consola de la lenteur du voyage en préparant le discours qui devait convertir Monsieur le Prince. Des paysans lui donnèrent asile le soir. On la conduisit tantôt sur des ânes, tantôt dans quelques charrettes. Partout, on lui faisait bon accueil et on s'empressait à la servir, parce qu'elle gagnait tous les cœurs par son air résolu, son parler cordial et sa gentillesse. Elle mangea du pain noir le plus gaiement du monde, se coucha sur le foin quand elle ne trouva pas de lit, et dormit dans son fourreau comme disent les gens de guerre. Un matin, après bien des fatigues, elle atteignit enfin la Dordogne et s'apprêtait à passer cette rivière dans un bateau, quand tout à coup le son des trompettes et les roulements du tambour frappèrent son oreille. Elle vit à peu de distance une troupe de cavaliers qui venaient au galop. Le premier qu'elle reconnut fut Monsieur le Prince lui-même. « Eh ! » dit son Altesse, « n'est-ce pas Madame de La Guette que je vois ? Courez-vous après votre mari ? Ou bien venez-vous remplir votre serment de me servir d'aide de camp ?»« L'un et l'autre, monseigneur, » répondit Jacqueline. « Faites-moi donner un cheval, et si je puis combattre à vos côtés, cette journée sera la plus belle de ma vie. » »« Je ne saurais refuser un aussi joli volontaire. Puisque le ciel vous a conduit ici, vous allez voir l'ennemi de près. » Un écuyer amena un cheval, et toute la bande piqua des deux. À 1/4 de lieue environ étaient embusqués 2 régiments du parti des princes qui attendait un détachement de troupes royales. L'ennemi parut presque aussitôt dans une gorge. On marcha vers lui à l'improviste. Le feu était bien nourri des 2 parts. Tous les bruits de la guerre éclataient à la fois et portaient dans l'âme de notre héroïne cette joie furieuse à laquelle on reconnaît le vrai courage. Dans un moment où les balles sifflaient en l'air, Monsieur le Prince regarda sa voisine dont le cheval se cabrait. « Eh bien, mon cavalier, dit son Altesse en riant, cela ne vous fait pas peur. « Si vous avez assez de batailles comme cela, vous pouvez vous retirer. On ne vous en grondera pas. »« Je regrette, au contraire, d'être si près de vous, monseigneur, car je vois bien que les autres achèveront la besogne sans moi. » Vous n'avez pas besoin de vous signaler, vos preuves sont faites, mais moi, j'ai mes éperons à gagner. Venez donc, reprit son Altesse. Je me donnerai par Dieu le plaisir de vous mener au bon endroit. Allons, mon beau cornette. La bride au pommeau de la selle, le pistolet dans la main gauche, l'épée dans la droite et ferme sur l'étrier. Voilà une compagnie de chevaux légers qui nous résiste encore. Il faut l'enfoncer nous-mêmes. En avant, messieurs, et place pour Madame de la Guette. Nous voulons le premier rang. À ce cri, tout l'état-major s'ébranla. Monsieur le prince et Jacqueline ouvraient la marche. La première ligne des ennemis venait de faire feu. On la rompit sans peine. Mais la seconde avait les armes chargées. Monsieur le prince, voyant qu'on l'ajustait, cria « Baissez la tête, ma voisine !» Madame de la Guette eut ses plumes coupées par les balles. Elle se jeta aussitôt sur le capitaine de la compagnie et lui tua son cheval d'un coup de pistolet. Avant qu'il se fût dégagé des étriers, elle lui posa la rapière sur la gorge en lui ordonnant de se rendre. « Rendez-vous, dit monsieur le prince, et remettez votre cœur en même temps que votre épée, car le vainqueur est une femme. » Le capitaine, voyant sa compagnie en déroute et la résistance inutile, se déclara prisonnier. Monsieur le prince était dans le ravissement. Il voulait récompenser son aide-de-camp. Il ôta ses éperons et les attacha lui-même aux pieds de notre héroïne. Puis il lui commanda de s'agenouiller et, lui frappant l'épaule du plat de l'épée, il lui dit « Je vous fais chevalière. Donnons-nous, s'il vous plaît, l'accolade. » Jacqueline, ivre de joie, sauta au cou de son Altesse, qui l'embrassa sur les deux joues, et jamais cérémonie ne fut plus galamment exécutée. « Ne vous gênez point, monseigneur, » dit une voix que notre Amazone reconnut. C'était Monsieur de la Guette, qui arrivait avec le régiment de Marsin. Il eut son tour à caresser la belle guerrière, et on reprit ensuite le chemin de Bordeaux. On rencontra le prince de Conti et Madame de Longueville qui venaient au-devant de leurs frères, en sorte que le retour fut une espèce de triomphe. Tout en devisant avec ces grands personnages, les époux eurent ensemble un petit démêlé conjugal. Jacqueline pardonna les fautes de son mari par souvenir des siennes, et la bonne intelligence ne fut point troublée. Le reste du jour se passa dans les repas et les fêtes. Madame de la Guette reçut toutes sortes d'honneurs et de compliments, mais elle ne perdait pas de vue son dessein. Si l'amour de la guerre l'avait entraînée un peu loin, elle pensait aussi que son crédit s'en augmenterait et l'occasion ne pouvait tarder à s'offrir de porter le grand coup qui devait sauver la France. Sur ces entrefaites, la désertion se mit dans l'armée des rebelles. Monsieur le prince venait d'en recevoir l'avis au moment où notre héroïne lui demanda une audience. Jacqueline ignorait cette éloquence bourrelée qu'on apprend dans les universités et parla d'abondance, sans suivre précisément les divisions qu'elle avait arrangées dans sa tête. Elle s'étendit sur la peinture des horreurs de la guerre civile. Sans aller jusqu'aux reproches, elle appuya sur la fausse gloire qu'on en tirait et fit valoir le mérite inestimable de celle qu'on gagnait à combattre les ennemis du roi. Elle termina en posant le genou en terre pour supplier son Altesse de renoncer à ses projets contre la cour et de ramener la paix et le bonheur dans le royaume. L'émotion de Madame de la Guette gagna le noble cœur du prince. Il voulut du moins donner à notre héroïne le plaisir de penser qu'elle avait réussi à souhait. Il l'obligea de se relever, lui prit les mains tendrement, et profita de l'occasion pour l'embrasser encore, en assurant que sa haine était évanouie. On ouvrit alors les portes. Monsieur le prince déclara devant tous les chefs du parti qu'il allait à Paris faire ses soumissions à la reine et qu'il recommanderait ses amis à la clémence royale. Pendant le reste de cette journée, tandis que chacun songeait à sa propre sûreté, Jacqueline entendit parler de la désertion des troupes, mais son Altesse lui dit que cela n'eût point suffi pour changer ses résolutions et que c'était elle seule qui avait amolli son âme. Elle en demeura toujours persuadée, quoique le prince n'ait fait ses soumissions que fort longtemps après. Les détails du retour de notre Amazone n'auraient point de prix après la lecture de son premier voyage. Elle était cette fois protégée par son mari. On courut bien quelques petits dangers. Jacqueline se fit une blessure au visage, en roulant sur des pierres avec son cheval. Elle tomba aussi dans une rivière où elle faillit se noyer. Elle se démit un bras. Ce sont là de ces petits événements sans conséquence dont la vie d'une femme vaillante est parsemée. En arrivant au Louvre, Madame de la Guette s'attendait à être reçue comme l'ange sauveur de la cour. Cependant, la reine et Monsieur le cardinal l'accueillirent assez froidement. On l'avait desservi, en racontant son exploit contre les troupes royales. Monsieur de la Guette fut encore plus maltraité. Le dépit les prit tous deux. Le mari partit pour la Flandre avec monsieur de Marsin, et Jacqueline se retira dans sa maison, qui se ressentait fort de l'absence des maîtres. Madame de la Guette avait alors plus de 40 ans. C'est l'âge des passions mâles, et le plus beau pour faire la guerre. Le logis et le gouvernement de son ménage lui devinrent insupportables. Rien ne put apaiser son ambition, ni la tendresse de ses enfants, ni les agréments de la compagnie des environs, qui était pourtant choisie, puisqu'on y comptait les Mollet, les dames de Coulanges et la fameuse madame de Sévigné. Jacqueline serait tombée en consomption si le calme eût duré. Un matin, sa tête s'échauffa. Elle mit ses filles au couvent, prit ses garçons avec elle et s'en alla rejoindre son mari qui était sous les drapeaux du prince d'Orange. La Hollande était un pays turbulent, toujours enfoncé dans quelques ligues politiques et se querellant avec ses voisins. Nul séjour ne convenait mieux à une Amazone. Madame de la Guette suivit les troupes, fit le coup de main en plusieurs occasions et ajouta quelques rameaux à ses lauriers. On sait trop de quoi elle était capable en ce genre pour qu'il soit nécessaire de dire toutes ses prouesses. Nous raconterons seulement celle qui mit fin à son humeur martiale en lui rendant les sentiments plus doux qui conviennent au beau sexe. Le fils aîné de madame de la Guette faisait alors ses premières armes. C'était un grand plaisir pour sa mère que de l'accompagner au régiment. Un jour qu'il eut une escarmouche contre une compagnie de Suisses, le jeune Laguette en vint aux prises avec un ennemi plus robuste que lui, qui le serrait de fort près. Jacqueline reconnut le danger de son fils, et comme elle tirait bien le mousquet, elle en prit un des mains d'un soldat et coucha l'ennemi par terre d'un coup de feu dans le côté. Madame de la Guette, emportée par l'ardeur du combat, se précipita tout en fureur sur le blessé, de peur qu'il ne voulût encore résister, mais ce malheureux était mourant. En se jetant sur lui, elle trempa ses doigts dans le sang qui coulait à flots. Elle vit un beau garçon qui tourna vers elle, des yeux obscurcis par les voiles de la mort. Le regard de ce jeune homme était plein de douleur et de désespoir. Il pénétra dans l'âme de Jacqueline. Ce qui acheva de la troubler, c'est que le pauvre diable, en reconnaissant une femme, se méprit sur ses intentions et pensa qu'elle venait à son aide. « N'essayez point de me secourir, madame. Je suis un homme perdu. Tirez seulement de ma ceinture cette bourse et ce papier où vous verrez la demeure de ma mère à Genève. Envoyez-lui ce peu d'argent. C'est ma solde d'un mois. Je servais pour nourrir ma famille. Le ciel ne m'a point favorisé. » Puis, en pressant la main de Jacqueline d'un air qui exprimait de la reconnaissance, il ajouta « Vous êtes bonne. Dieu vous récompensera. » Et il mourut étouffé par le sang qui lui vint jusqu'au bord des lèvres. Jacqueline sentit de l'horreur et de la pitié. Cette triste scène se grava dans son imagination et y détruisit le prestige de la vie des camps. Elle rêvait souvent que ce jeune homme revenait lui dire avec son regard mourant « Vous avez fait le malheur de ma pauvre mère. Les femmes ne doivent point tuer. Quittez ces mœurs barbares. Ou bien vous saurez aussi ce que c'est que de perdre ses enfants. » Elle voulut d'abord fermer l'oreille aux cris de sa conscience, mais ils finirent par triompher de son goût naturel pour les batailles, et dans la suite, elle attribua les chagrins qui l'accablèrent à la résistance qu'elle avait opposée aux ordres d'en haut.